بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الحادي عشر. طيب اقرأ يا محمد. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتي، هذا بيتي، بيتي أمام المسجد، بيتي جميل، فيه حديقة صغيرة. غبت فيه؟ فيه حديقة صغيرة. معروف غبت لا كم دافع؟ فيه حديقة صغيرة. Toi tu prononces le ha. فيه حال. بارك الله فيك. Suivant. S'il y a des mots pas compris, vous en trouvez un. هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة. Regarde bien. كبيرة. طيب. ومروحة جميلة. نعم. هذا سريري. نعم. وهذا كرسي. نعم. كرسي. وهذا كرسي. طيب. وهذا Soit il veut dire kursi ou c'est ma chaise, taï, ou hada mektabi. Le suivant. Sa'ati wa qalami. Regarde bien. Sa'ati wa qalami. Très bien. Kitabi ala mektabi. Continuons. Si je vous dis pas d'arrêter, n'arrêtez pas. Vas-y. Wa haqibati tahta mektabi. Pourquoi t'as pas dit nafidatun? Pourquoi tu pas dit nafidatun? Ouais. Il est modaf. Hein? Regardez là, on a vu quoi? Nafidatu ghurfati. Nafida, modaf. Wa ghurfa, modaf il est. Et lui-même, il est quoi? Modaf. Il modaf il est à une fois? Aliya. Taïb? Tu l'as fait ce dars, Ibrahim? Mudaf, mudaf ilé? Si. Al-mudaf, mudaf ilé, tu l'as fait? Non. Si, on l'a déjà tout découvert. Mais il y a quelqu'un qui te rattrape les cours là? Ouais, du début. Taïb, alhamdoulilah. Taïb, barakallah. Toi, demande au frère s'il peut accélérer ce cours. Al-mudaf, mudaf ilé. Là, le dars. Taïb? Vous avez compris là ce que je viens de dire là? Nafidatu ghurfati. Nous, on avait étudié quoi? Hada kitab ou Zaydin. On était passé par quoi? Que par un seul modaf. Mais là, comme je l'avais dit une fois dans le dars, il peut s'avérer qu'on pourra trouver un modaf, il est, et lui-même il est modaf. Vous avez compris ça? Regardez. Nafidatu modaf. Est-ce que c'est n'importe quelle fenêtre? Là, les fenêtres de la ghurfa, la chambre. Et c'est n'importe quelle ghurfa? C'est sa propre ghurfa. Tout le monde a compris ça? Taïb. À vous. Regardez bien. Hadi. Ghurfatu. Ghurfatu. Naam. Wa tilka ghurfatu ukhti. Très bien. Ghurfatu akhi. Kabiratu. Kabiratun. Kabiratun. Wa ghurfatu ukhti. Saghiratun. Très bien. On suivant. Aïman. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Très bien. On suivant. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Su'adu. Au suivant. Ti. Très bien. Abi wa ummi fi tilka al-ghurfati al-kabirati. Très bien. Suivant. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, très bien. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Tous les mots sont compris, inshallah. Ça va? Tout le monde a compris, Ibrahim? Matbar, c'est la cuisine. Non, c'est un mot que tu vas venir, tu vas le voir après, Inch'Allah. Taïb Tamarin, Iqra wa Aktoub. Tafaddal ya Abdi Karim. من في هذا البيت؟ البيت. طيب. ما في. Parce que هذا c'est le bait. Et le bait c'est quoi? C'est هذا. Tu me suis? Regarde bien. S'il n'y a pas هذا, tu fais un signe vers quoi? Enlève هذا. Tu dis quoi? من في البيت. T'as suivi? Et tu peux dire من في هذا en faisant signe, par exemple, si tu connaissais pas le mot. C'est pour ça qu'ils appellent ça le badal. C'est-à-dire que ça, hada, il peut être remplacé par le bait. T'as compris? C'est comme ça, tu dis, par exemple, tu dis, Jaa Abu Abdullah Omar. Abu Abdullah, c'est Omar. Et Omar, c'est Abu Abdullah. Fihi. Fihi Hamidun. Hamidun. C'est-à-dire le dars, là, ça parle de quoi? Du hafajar, fi. Et il peut être quoi? Suivi d'un damir. On avait vu ça avec quoi, par exemple? Laka, li. Lahu, laha. C'est compris? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Brahim, t'as compris là? C'est quoi que t'as pas compris? C'est-à-dire le dars fi, tu l'as fait, le hafz al-jar? T'es pas arrivé encore à harf al-jar. Taïb. Le fi, taïb, le frère qu'on va te l'expliquer, il a un sens de, d'envelopper. Taïb, tu dis Zaydoun fil bayti, Zaydoun fil matbahi. Et le harf al-jar, il peut être suivi d'un damir, c'est-à-dire d'un pronom. T'as compris? Par exemple, là, on a dit Men fi hadal bait. Suis-moi bien. Il a demandé qui est dans cette maison. Il n'a pas dit dans la réponse Fil baiti hamidun. Il a utilisé un pronom pour permettre de quoi? Raccourcir la phrase. Il a dit quoi? Hi. Taïb, entoure le damir là. Hi. Pour que tu comprennes. Entoure-le. Là, pas tout. Juste le damir. Fais-le voir, Wahabi. Voilà. Pour que tu comprennes que ça, ça remplace le mot qui quoi, la maison. Et tu fais une flèche, tu vas en arrière. T'as bien compris là? Et ça permet de quoi? De raccourcir la phrase. Tu aurais pu dire, moi si je t'ai dit par exemple, Men fil maktabati, tu m'aurais dit quoi? Fihi tullabun. T'as compris? Et t'aurais pu dire également quoi? Fil maktabati tullabun. T'as? Et le pronom, le damir, il doit quoi? Coordonner à la chose dans laquelle où je te fais un signe. Si la chose vers laquelle je fais un signe c'est masculin, tu vas dire quoi? Fihi. Taïb. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis trompé, vous avez dû me corriger. Quand j'ai dit men fil maktabati, j'aurais dû dire quoi? Fiha. Taïb. Faut pas avoir honte hein, si je me trompe. Taïb. Vous avez compris? Hein? Fiha. T'as compris ça, Ibrahim? Parce que le maktaba c'est quoi? Féminin. T'as compris ça? Voilà. Barakallah. Hakim. Tout le monde a compris? C'est à qui de lire? À toi, Rabia? C'est à qui de lire? J'ai lu. À toi, Galou. Bah, attends, Mohamed. Mada fil ha. Mada fil haqibati. Fiha kitabi wa kalami wa daftari. Tout le monde a compris là? On aurait pu dire fihi. Le frère Mohamed, il a bien lu, il a dit Mada fil haqibati. Est-ce qu'on aurait pu dire fihi? On parle de quoi là? C'est quoi qui nous intéresse là, Ibrahim? Al-Haqiba. Taïb, c'est ça qui nous intéresse. Hein? Mohamed, il nous pose une question. Qu'est-ce qu'il y a dans le cartable? Le cartable devant toi, c'est quoi? C'est Mouanneth ou Moudakar? C'est féminin ou c'est masculin? Féminin. Automatiquement, le pronom, il sera féminin. Alors, on ne peut pas dire fille. On dira quoi? Comme c'est écrit, fiha. C'est compris ça? Bien, Mohamed. En suivant. Menfi, Siyarati, très bien. Fiha Abi wa Umi wa Akhi wa Urti. Très bien. Menfi Masjidi al Jamiati. Très bien. Menfi Masjidi al Jamiati, Al-An, Mafi Ahadoun. Le frère il demande pourquoi Al-Jami'ati prend une kasra. Saber, vous pouvez répondre à Daoud? Pourquoi Al-Jami'ati il a pris une kasra? Bien fille devant. Non, il n'y a pas de fille devant le jami'a. Il y a un fille devant. Le 4. Comment le 4? Al jami'a. Lui demande le mot jami'a. Fais-lui voir, Daoud. Il y a fille. Non, mais fille, fait au mot d'après, fait pas le mot au dixième mot ou au deuxième mot. Ouais. Imaginez-vous, je dis Dakhala fil masjidi, et plus loin après, je dis un autre mot. Là, à part si ça c'est un dars que vous allez étudier, le wal'at. Dakhala Zaydoun wa Omar wa Abu Bakar wa Zay Mohammed. Là. Amen. C'est ça important. Moudaf ilay. C'est n'importe quelle mosquée ou c'est la mosquée de l'université? Tu m'as dit, elle dit Amirati. Hein, les frères? Hein, Daoud? Allah barik fik. Al ma fi ahad, nous suivons. Man fi hadi al-ghulfati. Très bien, man fi hadi al-ghulfati. Fiya al-mudiri. Al-mudiru. Non. Al-mudiru. Fiya al-mudiru. Non. طيب اقرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احب ابي وامي très bien احب اخي واختي c'est au suivant Ibrahim لا احب c'est écrit comme tout à l'heure احب زميلي qu'est-ce que ça veut dire احب Aimer, voilà. Taïb, Ouhibou. Qu'est-ce que t'as dit? C'est à moi d'apprendre ça, Abraham. Ça veut dire ami. Taïb, Zamil. Le suivant. Ouhibou, Oustadi. Oustadi. Non. Ouhibou, Allah. Non. Ouhibou, Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ouhibou, Al-Lughatu, Al-Arabiyata. Al-Lughata, Al-Arabiyata. Ouais. Également, habituez-vous que dès qu'on entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire des prières sur lui. Il y a des hasanat. Ahibbu al-lughat al-arabiyya. Est-ce que c'est une obligation d'aimer la langue arabe, Abd al-Hakim ? Est-ce que c'est la langue du prophète ? Non, la langue arabe, est-ce que c'est une obligation ? Non. Et toi? Non, c'est la langue du Coran. Kalam Allah. Ah ouais. C'est la meilleure langue du monde. Même si on ne le dit pas en France. Mais sachez que la langue arabe, c'est la meilleure langue. C'est la langue qui est dans le Coran. C'est la langue du paradis. Et c'est la langue la plus éloquente. Tu vois? On a un. C'est professeur. Non, professeur, non. Oui. Quand on l'a négligé. Hein? Non, mais comme c'est petit, on va juste on va lire le texte. C'est pas difficile. Oui. Pour ça, donner de l'importance dans la langue arabe. Cheikh Rahimallah disait Al-Lughat al-Arabiya, Miftah al-Ilm. La langue arabe, c'est la clé de la science. Il n'y a pas un seul savant de ce siècle, par rapport à ceux qu'on connaît comme Cheikh Al-Albani, rahimallah, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, rahimallah, ou Cheikh Mourbi, rahimallah, qui n'étaient pas faibles en langue. Ils étaient très très forts. Et plus tu es fort en langue arabe, grâce à Allah, plus tu comprends mieux la parole de qui? D'Allah. Et de qui? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'une fois un sahabi, il est venu voir Aïcha, radallahu anha, il a compris un verset d'une manière. Et elle l'a corrigé avec la langue arabe. Et l'imam Nawawi, rahimallah, il ramène une des qualités d'Aïcha radhiyallahu anha, il disait que c'était une femme qui était forte en langue arabe. Et dans la poésie. La langue arabe, c'est très très important, les frères. Taïb. Taïb. Ad-dars, al-thani, ashar. Tu vois. Et sachez même que les ennemis de l'islam, ils ont tout fait pour arrêter la langue arabe. Ça, c'est vrai. Tu vois, mon père il me disait, pendant la guerre d'Algérie, ils ont fermé les imams et fermé les mosquées. Pour que les gens restent illettrés. C'est-à-dire quand les musulmans, à un moment donné, il y a eu une grande période comme ça. Ils étaient illettrés. Automatiquement, quand quelqu'un est illettré, il ne peut pas lire le Coran. Il ne peut pas lire la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas lire les livres des grands salafs. Musnad l'imam Ahmed, Al-Muwatta l'imam Malik, Sunan Abi Daoud, Il-Akhir, Fatawa al-Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire quoi, les gens, comme ils n'ont pas la langue arabe, automatiquement, l'ignorance. Et ça, c'est une chose, comme on dit, mukhattata. C'est pas juste vous croyez que c'est quelque chose fait par hasard là. Au maximum, ils ont fait en sorte d'éteindre la langue arabe. Pour ça, les frères, il ne faut pas négliger ça. Nous, il faut qu'on devienne très très fort dans la langue arabe. Inch'Allah, les enfants, il faut leur apprendre à parler la langue arabe. Pas faire comme certains frères. Non, mon fils, il va parler deux langues ou trois langues. Là, la langue arabe, Amshi. Wallah, même si ton fils, il ne sait même pas dire un mot en français ou en anglais, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Le plus important, c'est que ton fils il soit très très éloquent en lurat al-arabiyya. Cheikh rahimallah, je l'ai entendu de mes oreilles, une fois il avait dit quoi? Il a dit vous préoccupez pas de parler l'anglais. Il a dit Allah il facilitera des gens qui vont vous traduire. Concentrez-vous dans la langue arabe. Il a eu raison ou il a eu tort? Hein? Combien de frères rentrent dans l'islam? D'Angleterre, de France, c'est vrai non? Hein? Et tu trouves des arabophones, ils veulent parler l'anglais ou le français. Alors que lui-même, il est faible dans la langue arabe. Tu vois? C'est pour ça, donner de l'importance à ça. Quand je dis donner, même moi. Même le fait de vous faire encore le livre, alhamdoulilah, je profite. Et c'est pas par modestie, wallah. Le fait de le refaire avec vous, on profite. Tu vois? Comme il disait, al-ilm bil mudakara. La science, c'est quoi? Avec la révision. Tu vois? Taïb, bismillah, qura Muhammad. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien. Assalamu alayki. Taïb, on avait étudié le dhamir al-kaf, hein, qu'on disait laka. Et là, tu peux dire assalamu alayki. Oui. Mais sinon, le hadith, il est venu comment? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais là, si tu passes le salam, par exemple, qu'à ta soeur, ou à ta fille, ou à ta mère, Inch'Allah, il n'y a pas de mal de dire assalamu alayki. Oui. Le hadith, là, c'est venu assalamu alaykum. Que ce soit un groupe de femmes ou. Tu vois. Mais là, je pense que c'est pour apprendre à utiliser le dhamir. Qui? Ce sera pour une fille présente. Une seule fille. Le suivant. Wa alayki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. À voix haute, hein. Très bien. Kaifa haluki yabintu. Si c'est un garçon, on aurait dit quoi, Daoud? Kaifa haluka. Hein, c'est simple, inshallah, maintenant ça. Si c'est un frère, kaifa haluka. Si c'est une sœur, kaifa haluki. Hein, une sœur à qui on a le droit de parler? Taïb? Abdurrahman, c'est rien. Suis avec le. Avec un frère. Barakallahu fik. Au suivant. Ana bikhairin. Bikhairin. والحمد لله نعم والحمد لله من اين انت انا من رياض نعم également on avait étudié anta on l'a étudié anta on l'a pas dit hein anta c'est pour un frère qui est face à toi kayfa anta et là si c'est une sœur kayfa anti طيب inchallah on reverra tout ça انا من رياض au suivant masmuki très bien masmuki اسمي امينه très bien اين ابوكي Très bien. Abi huna fil madinati al munawwara huwa muwajjatun muwajjihun muwajjihun fil madrasati tanawiyati tanawiyati tanawiyati na'am aina ummuki aina wa aina ummuki wa aina ummuki na'am suivant À voix haute, Daoud. Pas fil. Al-Wiladati. Très bien. Il y a Aïdan Huna, qui. Huna, il y a Tabi Batoun, qui Mustachfa, Al-Wilada. C'est-à-dire la maternité. Mustachfa, c'est l'hôpital. Al-Wilada, c'est la naissance. Mais sinon, le mot en lui-même, c'est la maternité. Tout le monde sait ça veut dire quoi, hein? L'endroit des naissances, en quelque sorte. Faddal. ومن هذه الفتاة ومن لا ومن ومن ومن هذه الفتاة الفتاة الفتاة الفتاة اللاهي اللاتي اللاهي لا اللاتي اللاتي عليكم السلام وين معك معك ولا ريبيتي ومن هذه الفتاة ومن لا ومن هذه ومن هذه الفتاة الفتاة الفتاة الفتاة طيب اللاتي معك اللاتي معك خبيا ومن هذه الفتاة التي معك أهي هي أختك أختك أهي أختك نعم وسوان لا هي بنت عمي نعم ما اسمها اسمها فاطمة très bien هي زميلتك très bien ما شاء الله لا ثاني ici لا اه voilà لا انا في المدرستي المتوسطة وهي في مدرستي الثانوية très bien لا انا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية très bien suivant لا لك اخت لا ما لي اختي اخت لا ما لي اخت لك اخ suivant نعم لي أخ كبير وهو طالب يا طالب باهي هو طالب بالجامعة وهو طالب بجامعة لا بالجامعة بالجامعة لا جامعة الجامعة سي الجروب الجامعة سي لونيفرسيتي هان سا سي ان مو ايجالمون رياضي Si on néglige la prolongation, c'est un mot. Vous avez vu ? Et si on met la prolongation, c'est un autre mot. Hein ? Al-Jama'a, c'est le groupe. Al-Jami'a, c'est l'université. Pour ça, faites attention. Na'am li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Au suivant. Très bien. Huwa ibnu akhi. Masmuhu. Masmuhu. Ismuhu Sa'adun. أمك في أ أمك. le premier c'est quoi l'interrogation. طيب vas-y. أمك. voilà. أمك في البيت الآن. الآن. très bien. لا ذهبت إلى المستشفى. très bien. je pense que tout le monde a compris là. c'est pas difficile le texte. طيب C'est-à-dire, si tu veux dire à un frère comment tu vas, on dira Kaifa Haluka. Hein? Ici, c'est une sœur. Kaifa Haluki. Voilà. Après, on a vu quoi? Anta pour un frère, Anti pour une sœur. On va faire ces exercices-là. Comme ça, demain, Inch'Allah, on va rentrer dans le verbe et le sujet. Il y a juste à lire. Iqra Mohamed. Iqra Waktoub. Kaifa Haluka Ya Abi. Très bien. Kaifa haluka ya Abi. Comment t'as su qu'il fallait dire haluka? Abi. Par rapport à Abi. Très bien. Inch'Allah. Taïb. Kaifa haluka. Il a su à qui parler. Il a dit ka. Taïb. Ya Abi. Suivant. Kaifa haluki ya Umi. Très bien. Kaifa haluki ya Umi. Suivant. A voix haute. Hein. نعم أين ابنك يا زينب؟ ذهب إلى المسجد. ربيت؟ ذهب إلى المسجد. ولا ذهب إلى المسجد. وسوا؟ أين بنتك يا آمينة؟ يا بحى. يا آمينة. يا. ديت يا. أين أين بيتك يا آمينة؟ بنتك. أين بن؟ بنتك. بنتك يا آمينة. بحى. ديت. ربيت دار موا. ديت يا. يا آمنة. آمنة. voilà. يا آمنة. أين بنتك يا آمنة؟ ذهبت ذهب لا با ذهبت ذهبت ذهبت الى المدرسة الى المدرسة و suivant لمن هذه الساعة الجميلة أهي لك يا فاطمة نعم هي لي très bien ما شاء الله هذا قلمك يا محمد هذا قلمك لا لا لا هذا قلمك أنت نعم لا هذا قلمك أنت وشبا تلك سيارة تلك سيارة تلك سيارة جميلة الجميلة الجميلة التي التي خرجت لا خرجت خرجت سيريا إن شاء الله demain on va l'étudier ça إن شاء الله من من المدرسة من المدرسة للمدير نعم تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير سيفون أنت أنت مهندس يا أخي لا أنا طالب رياض بيان توسي طالبة أنا طبيب très bien أنت مهندس يا أخي لا أنا طبيب أنت طبيبة طبيبة يا أختي لا أنا مدرسة مدرسة مدرسة نعم اقرأ كل جملة من الجمل طيب اقرأ كل طيب اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأ أخرى بعد تغيير المنادى كما موضح في المثال il te demande quoi de lire toutes les phrases ou quelque chose suivant ثم اقرأها أخرى après tu les relis une autre fois بعد تغيير المنادى طيب C'est-à-dire après, il faudra faire un changement. Là, on dit Aina Kala Muka Ya Abi. Et le fait qu'on appelle une soeur, la maman, là, on dira quoi Aina Kala Muki Ya Umi. C'est simple, Inch'Allah Taïf. A toi, Mohamed. Aindaka Kalamun Ya Mohamed. Ya Mohamedun. Aind. Ouais, excuse-moi, vas-y. Aindaki Kalamun Ya Aminatun. Ya Aminatun. Très bien, Barakallah Fik. Au suivant. Aina. بيتك يا أستاذي. très bien. أين بيتك يا أستاذي؟ c'est la même chose. tu reprends la même phrase d'avant et tu mets juste qui. أين بيتك يا أستاذي؟ أستاذتي. ah bah ouais. si tu parles à une sœur. كيف حالك يا زيد؟ c'est possible ça؟ voilà. Et quand le fait a dit Aina Beituki, on sait que tu parles déjà à une fille. Alors automatiquement, tu vas interpeller quoi? Une fille. Me forme Kaifa Hauluki, ya Ustadati. Au suivant. A voix haute, Daoud, comme ça. Très bien. Ahada Daftaru Laka Ya Aliyu. Là, la même chose. لا لا غيست كم عليكم السلام هذا دفتر يا هذا دفتر لك يا فاطمة très bien هذا دفتر لك يا فاطمة allez frère c'est le même exercice sauf tu changes le kaf au lieu de dire ka tu dis ki voilà au suivant من أين أنت من أين أنت من أين أنت يا أختي؟ نعم من أين؟ من أين؟ أنت يا أختي؟ سيبا؟ أين أبوك يا خالد؟ أين أبوك يا خديجة؟ نعم أنت مريض يا خالد؟ أنت مريضة يا خالتي؟ لا يا خالتي نعم أأنت مريض يا خالي أأنت مريضة يا خالتي أين بنتك يا عمي أين أين أين بنتك يا عمتي très bien أين بيتك بنتك يا عمي أين بنتك يا عمتي très bien c'est quoi la différence Ibrahim entre خالتي ويا عمتي عمتي. Ouais. Donc les. La عمتي, عمتي. عمتي, la tante. Ouais. Et خالتي, la tante. Toi, tes tantes, tous c'est des, tes tantes. Non, mes tantes, c'est les. Voilà, c'est-à-dire il y a la tante maternelle et la tante. Voilà, c'est laquelle là-dedans? Ammati. C'est la tante paternelle. Ah, ok, barakallah. Minjiyat al-ab. Du côté du père. La sœur du papa. Et le khala, c'est la sœur de la. Barakallah fik. Et en arabe, le, je veux dire, si c'était l'oncle. L'oncle. Ammi. Ça, c'est le père. Du côté du père et du côté de la mère, Al-Khal. Ah, ok. Barakallah. Comme ça, tu rattrapes du timon. Au suivant. Alaka akhon ya hamidun. Répète. Regarde bien. Alaka akhon ya. Alaka. C'est bien. Ça, c'est jusqu'ici, c'est bien. Ah, non. Alaka akhon ya hamidun. Très bien, ya hamidun. Alaka ukhtun. Alaki ukhtun ya su'adu. Le frère, il a dit Alaki. Ukhtun ya su'ad. Est-ce qu'il y avait du mal à dire Alaki akhun ya su'ad? Ah, il n'y a pas de mal aussi. C'est bien, tu as tout changé au féminin, mais il n'y a pas de mal de dire Alaki akhun ya su'ad. Su'ad ne peut avoir un frère. Hein? Vous avez compris là? C'est-à-dire, si vous voulez mettre l'exercice là, comme, vous, comme il a dit Wahbi, il n'y a pas de mal. Alaki ukhtun ya su'ad. Ou Alaki ukhtun akhun ya su'ad. Vous avez compris à sa verse ça? Voilà. Suivant. ماذا عندك يا أخي ماذا عندك ما c'est bien, très bien, reste comme t'es. ماذا عندك يا أختي. Très bien, mashallah. ماذا عندك يا أخي ماذا عندك يا أختي. السلام عليك يا أبي السلام عليك يا أمي. Très bien, mashallah. On va s'arrêter là, inshallah, parce que demain Bidnillah, on va apprendre à former un verbe et comment l'utiliser. Taïb.